الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons ensemble la lecture et l'étude du livre intitulé العقيدة الواسطية, écrit par l'imam, le grand savant, شيخ الإسلام, Ibn Taymiyyah رحمه الله, et dans lequel il a exposé la croyance du groupe sauvé. Et comme on l'a vu dans les cours précédents, il a commencé par exposer ce qui est lié à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement la foi en ses noms et ses attributs. Et il a mentionné une multitude de textes du Qur'an et de la Sunna dans lesquels sont affirmés les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir aujourd'hui différents versets à ce sujet. Le premier concerne l'affirmation du nom pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le verset 78 de Surat al-Rahman, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Tabarak asmu rabbik dhil jalali wal ikram » « Glorifié soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de générosité. » Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même le nom. Et nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a les noms qui sont les plus beaux. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. À Allah appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-les donc par ces noms. Ensuite, il a mentionné, rahimahullah, différents versets concernant la négation des égaux et des semblables à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a tout d'abord mentionné le verset 65 de Surat Maryam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ أَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا. Adore-le donc et sois constant dans son adoration, lui connais-tu un semblable, un homonyme. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de l'adorer, c'est-à-dire de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration et de n'adorer nul autre que lui. Puis il ordonne d'être constant dans cette adoration, c'est-à-dire de persévérer sur celle-ci et de patienter face aux difficultés que tu peux rencontrer dans l'adoration de ton Seigneur. Puis il dit, à titre de blâme et de réprimande, lui connais-tu un semblable? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de semblable. Il n'a pas d'égal qui pourrait lui être associé dans l'adoration. Et ceci nous indique et nous démontre qu'il est le seul en droit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a mentionné le verset 4 de Surat al-Ikhlas que nous avons déjà vu au début de cette partie, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ » Et il n'a aucun égal. Al-Kuf, dans la langue arabe, c'est « al-Nadhir », c'est-à-dire l'égal ou le semblable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a ni égal, ni semblable, ni associé parmi ses créatures. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné la fin du verset 22 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez donc pas des égaux à Allah alors que vous savez. Le mot « andad » ici, c'est le pluriel du mot « nid » qui signifie dans la langue arabe « an-nadhir al-shabi », le semblable, l'égal, le comparable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il nous interdit de prendre un égal à lui, un semblable à lui, de sorte à l'adorer avec lui ou en dehors de lui. Ensuite il dit « alors que vous savez », c'est-à-dire alors que vous savez qu'il est votre Seigneur, alors que vous savez qu'il est votre Créateur et le Créateur de toutes choses, et qu'il n'a aucun égal parmi les créatures qui pourraient lui être associées dans l'adoration. Donc l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a mentionné le verset 165 de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمِنَ النَّاسِ » مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Et parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux. Ils donnent des semblables à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils prennent pour divinité en dehors de lui. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, qu'ils aiment comme on aime Allah. C'est-à-dire que les polythéistes qui ont pris des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se sont pas contentés de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux, mais en plus de cela, ils ont aimé ces divinités de manière excessive au point de les aimer comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc considéré ces divinités comme égales à Allah subhanahu wa ta'ala en termes d'amour, non pas en termes de création ou de gestion de l'univers. Mais les égaux qu'ils ont donnés à Allah subhanahu wa ta'ala sont des égaux dans l'adoration. Et c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nié dans son noble livre. Donc dans ce verset, il y a la négation du Sami, d'Al Kuf et d'Al Nid, ce qui nous démontre très clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun égal. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné plusieurs versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a nié le fait d'avoir un enfant et le fait d'avoir un associé. Il a tout d'abord mentionné le verset 111 de Surat al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ » et dit « Les louanges reviennent à Allah », c'est-à-dire que toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. « أَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا » celui qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Il n'a pas d'enfant, subhanahu wa ta'ala, comme l'ont prétendu les juifs et les chrétiens et les polythéistes parmi les arabes. « وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ » et il n'a pas d'associé en la royauté. C'est-à-dire que la royauté tout entière est à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nul ne s'associe à lui dans la possession et la gestion de ce royaume. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلِّ et il n'est pas abaissé pour avoir besoin d'un allié pour se renforcer. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'alliés. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ministres. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne pour le secourir ou pour l'aider. Subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'il ait pris des alliés parmi les croyants, ceci est à titre de bienfaisance de sa part, car c'est lui qui les secourt, c'est lui qui les soutient, et c'est lui qui les aide, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit dans ce verset, « وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا » et proclame hautement sa grandeur, c'est-à-dire qu'il est bien au-dessus de la manière dont l'on décrit les injustes, en lui attribuant un enfant et en lui donnant des associés. Ensuite, il a mentionné le premier verset de Surat al-Taghabun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ » ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre proclame la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que toutes les créatures des cieux et de la terre proclament la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où il est exempt de tout manquement et de tout défaut. « لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ » à lui la royauté et à lui les louanges. Ceci lui est spécifique et toute royauté que se voit accordée un serviteur dans ce bas monde n'est qu'un don qui lui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la véritable royauté appartient entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de toute chose, il est omnipotent. Ensuite, il a mentionné les deux premiers versets de Surat al-Furqan, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Tabaraka alladhi nazzala al-Furqan ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira » Béni soit celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Le livre du discernement, c'est le Coran, et il a été appelé Furqan, discernement, car il permet de discerner et de distinguer entre le faux et la vérité. Il a donc fait descendre ce livre sur son serviteur, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers, c'est-à-dire pour les hommes, mais aussi pour les djinns. Et ceci fait partie des particularités de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit par quatre caractéristiques. Et il a dit « Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard » Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. C'est-à-dire que c'est lui qui administre tout dans cet univers, aussi bien dans les cieux que sur la terre. « Walam yattakhidh walada » Il ne s'est point attribué d'enfant, comme le prétendent les polythéistes parmi les Arabes ainsi que les Juifs et les chrétiens. Et ce car Allah subhanahu wa ta'ala se passe totalement de ses créatures. Et il n'a besoin de rien ni de personne parmi sa création. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ Et il n'a pas d'associé en sa royauté. Il n'a pas d'associé en sa royauté. La royauté tout entière appartient à Allah. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ Il a créé toutes choses, toutes les créatures. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا En lui donnant ses justes proportions. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété toutes choses à sa juste mesure. Il a décrété les termes de chaque créature. Il a décrété leur subsistance en leur donnant leur juste proportion. Et il a décrété le bonheur et le malheur de chacun. Et il a préparé chaque chose pour ce qui lui convient. Ceci fait donc partie des caractéristiques de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné les versets 91 et 92 de Surat al-Mu'minun, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit « مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدْ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ » Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de Dieu avec lui. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement qu'il n'a pas d'enfant et qu'il n'a pas d'associé, que ce soit dans la royauté ou dans la gestion de l'univers et également dans son droit à être adoré. Il est le seul en droit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, « إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَاهِمْ بِمَا خَلَقْ » Sinon, chaque Dieu s'en irait avec ce qu'il a créé. Allah subhanahu wa ta'ala nie le fait qu'il ait des associés. Puis il nous dit, afin de détailler à ce sujet, que s'il y avait d'autres dieux, alors chaque dieu serait parti avec ce qu'il a créé. Et l'univers n'aurait pas été organisé comme on peut le voir, organisé à la perfection. Et certains se seraient élevés sur d'autres. S'il y avait d'autres dieux, chacun chercherait à dominer l'autre et à s'opposer à lui, comme le font les rois de ce bas monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé. Il est le seul créateur subhanahu wa ta'ala et le seul Dieu, le véritable Dieu, en droit d'être adoré. Subhanallahi amma yasifoun. Pureté à Allah, il est au-dessus de ce qu'il décrivent. Il n'a ni associé ni enfant. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala, Alimil ghaibi wa shahada, fata'ala amma yushrikoun. Il sait parfaitement tout ce qui est visible et invisible, et il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Tout ce qui échappe aux serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala le sait parfaitement. Quant aux créatures, elles ne peuvent voir que ce qui est visible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est caché et ce qui est visible. Et il est au-dessus, purifié et exempt de ce qui lui associe subhanahu wa ta'ala. Il n'a donc aucun associé, ni dans la royauté, ni dans l'adoration. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné le verset 74 de Surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ » Et n'attribuez pas à Allah des semblables. Ne comparez pas Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela car les polythéistes, ils en sont venus à commettre le shirk en raison de leur comparaison entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. En effet, ils ont dit, étant donné que les rois de ce bas monde ne peuvent être approchés que par des personnes nobles, et que nul ne peut se rendre auprès des rois de ce bas monde si ce n'est en passant par des intermédiaires. Alors ils ont dit, nous aussi nous sommes des créatures faibles, nous ne sommes pas dignes et nous ne sommes pas assez nobles pour vouer le culte directement à Allah. Donc nous allons prendre des intermédiaires entre nous et Allah. Et c'est pour cela qu'ils ont pris, pour divinité, des statues, des pierres, des arbres et autres, auxquels ils vouaient le culte en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, prétendant que cela les rapprochait d'Allah. Donc la cause de cela, c'est quoi? C'est qu'ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala au roi de ce bas monde. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de semblable parmi ses créatures. Et on ne peut le comparer à ses créatures. Donc il dit dans ce verset, n'attribuez donc pas à Allah des semblables. Inna Allah ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait tandis que vous, vous ne savez pas. Allah sait qu'il n'a pas de semblable. Alors que vous, vous ne savez pas. Et vous en êtes venu à tomber dans le plus grave des péchés en raison de ce raisonnement corrompu, dangereux et erroné. Et votre ignorance des mauvaises conséquences et de la dureté du châtiment que subira celui qui aura donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ici le verset 33 de Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » dit « Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, c'est-à-dire les grands péchés, tant apparentes que secrètes. » وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ de même que le péché et l'agression sans droit. وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا et que vous donniez à Allah des associés au sujet desquels il n'a fait descendre aucune preuve. وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il interdit clairement le fait de lui donner des associés. Et il considère que le fait de lui donner des associés d'après le raisonnement précédent relève du mensonge à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que lui attribuer un enfant relève du mensonge à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il fait partie des plus graves des péchés de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala ce que l'on ne sait pas, de parler à son sujet sans science, subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, entre dans cela tous ceux qui attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala le fait d'avoir rendu licite ou illicite telle ou telle chose sans preuve venant d'Allah. Donc on voit dans l'ensemble de ces versets la négation de tout associé à Allah subhanahu wa ta'ala et l'affirmation de son unicité et de sa perfection subhanahu wa ta'ala. De même que ces versets comprennent la négation de l'enfant et la négation de l'égal et l'affirmation que toutes les créatures proclament la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci nous démontre la fausseté du polythéisme, la fausseté du shirk qui n'est basée que sur l'ignorance et les idées et les raisonnements erronés. Wallah al-musta'an. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, est passé aux versets dans lesquels sont affirmés al-istiwa, c'est-à-dire l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône. Il a dit, rahimahullah, wa qawluhu ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa fi sab'i mawadhi'. Ainsi que sa parole, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, s'est élevé au-dessus du trône, à cet endroit, c'est-à-dire, dans sept versets du livre d'Allah, il est venu le terme d'Al-Istiwa. De la même manière, Istawa ala al-Arsh, c'est donc un texte explicite qui est venu à plusieurs reprises dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui ne peut être interprété d'une autre manière que son sens réel et apparent. Et l'istiwa fait partie des attributs liés aux actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé dans son noble livre et nous nous devons de l'affirmer d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté comme l'ensemble de ses attributs. Et l'istiwa, dans la langue arabe, il a quatre sens. Ala, wartafa'a, wasa'ida, wastaqarra. Les trois premiers, on pourrait les traduire tous les trois en français par s'élever, être haut, monter. Et istaqarra il signifie s'établir. Et c'est selon ces quatre sens que les salafs, les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ont expliqué al-istiwa. Donc, cette parole est venue dans sept versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va simplement mentionner la référence de ces sept versets, puis en expliquer certains d'entre eux. Le premier est le verset 54 de Surat Al-A'raf. Le deuxième, le verset 3 de Surat Yunus. Le troisième, le verset 2 de Surat Al-Ra'd. Le quatrième, le verset 5 de Surat Taha. Le cinquième, le verset 59 de Surat Al-Furqan. Le sixième, le verset 4 de Surat Al-Sajda. Et le septième, le verset 4 de Surat Al-Hadid. Donc dans le premier de ces versets, et dans le deuxième, c'est-à-dire le verset 54 de Surat Al-A'raf et le verset 3 de Surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna rabbakum Allah » « Votre Seigneur est Allah » c'est-à-dire qu'il est votre Créateur et celui qui vous a éduqué et élevé par ses bienfaits. Et étant donné qu'il est votre Créateur et votre Seigneur, il est obligatoire pour vous de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. الذي خلق السماوات والأرض. Celui qui a créé les cieux et la terre. Il a créé tout l'univers. Et entre dans cela les cieux et la terre et ce qui se trouve entre eux. في ستة أيام. Il les a créés en six jours. Le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et le jour du vendredi, toute la création était réunie et c'est en ce jour qu'a été créé Adam alayhi salam. Puis il dit, subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Puis il s'est élevé au-dessus du trône, d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Et al-arsh, le trône, dans la langue arabe, c'est le siège du roi. Et ce qui est visé ici, c'est le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a été décrit comme possédant des pieds et comme étant porté par les anges. Et il est au-dessus de l'univers. C'est, comme l'ont dit les gens de science, le plafond des créatures, car c'est la créature la plus élevée. Et Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus du trône. Dans le troisième verset, qui est le verset 2 de Surat Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha » Allah, c'est lui qui a élevé les cieux. C'est-à-dire qu'il les a élevés au-dessus de la terre et les a éloignés bien haut au-dessus de la terre, sans aucun pilier visible. C'est-à-dire que les cieux ne tiennent que par l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun pilier pour les retenir. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Puis il s'est élevé au-dessus du trône. Donc ces versets nous démontrent très clairement qu'al-istiwa, l'élévation au-dessus du trône, fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on se doit d'affirmer d'une manière qui sied à sa majesté. Et il en est de même concernant ce qui est venu dans les autres versets dont on a mentionné les références et que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité. Quoi qu'il en soit, on retient qu'al-istiwa, au-dessus du trône à l'arsh, fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que le croyant se doit d'affirmer d'une manière qui sied à la grandeur et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit pas donner une fausse interprétation à cet attribut, ou altérer son sens en disant que istawa a le sens de istaula, dans le sens où il a pris possession de la royauté et a eu le dessus. Ceci est une interprétation erronée qui s'oppose à ce qui est venu dans le tafsir des salafs parmi les compagnons et ceux qui sont venus après eux. Et les premiers à avoir donné cette explication erronée s'opposant au texte clair du Coran sont les partisans des sectes d'Al-Jahmiya et d'Al-Mu'tazila. Ceci est donc une interprétation qu'il est obligatoire de refuser et de rejeter. D'autant plus que cet attribut est venu mentionné sept fois dans le Coran, à chaque fois de la même manière, « Istawa ala l'arsh ». Il s'est élevé au-dessus du trône. Et sur ces sept fois, à aucun moment il est venu selon l'interprétation erronée qu'il voudra en donner, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. C'est donc une grave erreur de changer le sens et d'altérer le sens clair et apparent de ce verset. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a fait suivre les versets sur al-istiwa par les versets sur l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ses créatures. Il a tout d'abord mentionné une partie du verset 55 de Sourate Ali Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayhi. Ô Isa, je vais prendre ton âme et t'élever vers moi. » Je vais prendre ton âme, c'est-à-dire, comme l'ont mentionné les gens de science, je vais te plonger dans un sommeil profond. Car ce terme est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a employé pour la mort, mais aussi pour le sommeil. Il dit dans le verset 60 de Sourate Al-An'am, « وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ » Il est celui qui reprend vos âmes durant la nuit, c'est-à-dire lors de votre sommeil. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Zumar, « Allah yatawaffa al-anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha » Allah reprend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a repris l'âme de Isa alayhi salam, c'est-à-dire qu'il l'a plongé dans un sommeil profond. Et il n'est pas mort alayhi salam. Puis il dit « Wa rafi'uka ilayhi » et je vais t'élever vers moi. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers les cieux tout en le laissant vivant, alayhi salam. Et cette partie du verset est celle qui nous intéresse ici. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement qu'il a élevé Isa alayhi salam vers lui. Donc ceci nous indique que l'ulou, l'élévation, fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car on ne peut être élevé que vers le haut. Et ceci est appuyé par ce qu'il dit dans le verset 158 de Sourate An-Nisa. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ Mais Allah l'a élevé vers lui. Il l'a élevé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des créatures. Et l'ulou, l'élévation, fait partie de ses attributs subhanahu wa ta'ala. Et ces versets sont une réfutation des juifs qui prétendent avoir tué et crucifié Isa alayhi salam. Mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il fasse cela à une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'apparence de Isa alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a élevé son prophète et son messager vers lui. Et il le fera redescendre à la fin des temps et il tuera le Dajjal. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné le verset 10 de Surat Fatir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ilayhi yas'adu al-kalimu al-tayyib » C'est vers lui que monte la bonne parole. C'est vers lui que monte la bonne parole. Et il élève haut la bonne action haut et la bonne action la fait monter. Donc c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que monte la bonne parole. Comme le dhikr, la récitation du Coran, les invocations et ainsi de suite parmi les bonnes paroles. Elle monte vers Allah. Et l'œuvre pieuse la fait monter, c'est-à-dire que l'œuvre pieuse, elle fait monter la bonne parole. Et certains parmi les gens de science, comme le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, ont expliqué cela en disant que la bonne parole n'est acceptée que si elle est accompagnée d'œuvres pieuses. Donc celui qui fait du rappel d'Allah, mais qui ne s'acquitte pas de ses obligations religieuses, la prière et ainsi de suite. Ses paroles ne sont pas élevées. C'est pour cela que certains ont dit, s'il n'y avait pas l'œuvre pieuse, les paroles ne seraient pas montées. Et les paroles ne sont acceptées que si elles sont accompagnées des œuvres. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a très clairement mentionné ici que la bonne parole monte vers lui. Et lorsqu'on parle de monter, on parle de monter en hauteur. On ne monte que vers une chose qui est élevée. Donc ceci nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé et que l'ulou, l'élévation, fait partie de ses attributs subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné les versets 36 et 37 de Sourate Ghafir, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de Pharaon, « Ya Haman, ibni li sarha, la'alli ablughu al-azbab. » Ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies. « Azbab as-samawati fa'attari'a ila ilahi Moussa. » Les voies des cieux, c'est-à-dire les portes des cieux, et peut-être apercevrai-je ainsi le Dieu de Moussa. Wa inni la adhunnuhu kadhiba. Mais je pense que ce n'est qu'un menteur. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne la parole de Pharaon à son ministre Haman, auquel il a ordonné de lui construire une tour élevée, afin d'atteindre les voies menant aux cieux et ses portes. Et son objectif en cela était de démontrer, selon lui, que Moussa alayhi salam aurait été un menteur en prétendant qu'Allah l'avait envoyé et que son Dieu se trouvait au-dessus des cieux. C'est pour cela qu'il a dit « Je pense certes que c'est un menteur » dans ce qu'il prétend, prétendant être envoyé par Allah et prétendant qu'Allah est au-dessus des cieux. Donc on voit dans ce verset l'affirmation de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ses créatures. Et que Moussa alayhi salam avait informé de cela, et c'est pour cette raison que Pharaon a tenté de le démentir en ordonnant la construction de cette tour. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné les versets 16 et 17 de Surat al-Mulk, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit « أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءَ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورَ » Êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel vous enfouisse en la terre et voilà qu'elle tremble ?« أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءَ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا » فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرَ. Où êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel vous envoie un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Donc dans ces deux versets, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même qu'il est fils sama, c'est-à-dire au-dessus des cieux, qu'il est élevé subhanahu wa ta'ala. Donc tous ces versets nous démontrent que l'ulou, l'élévation, fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on se doit d'affirmer d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Dans les versets précédents, on a vu al-istiwa, qu'Allah est élevé au-dessus de son trône. Et ici, l'attribut d'al-ulou, c'est l'élévation de manière générale, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes les créatures. Et la différence entre al-istiwa et al-ulu, c'est que al-ulu, il fait partie des attributs liés à l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah, par lui-même, est élevé. Il est au-dessus de ses créatures. Tandis qu'al-istiwa, c'est un acte parmi les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fait par sa puissance et sa volonté lorsqu'il le veut, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans les versets que l'on a vus, il dit « Thumma stawa », puis il s'est élevé, c'est-à-dire au-dessus du trône. Et ce, après la création des cieux et de la terre. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné différents versets concernant l'attribut d'al-ma'iyya, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ses créatures, et on verra cela dans le cours prochain, incha'Allah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين